Hein. J'ai vendu de la pour blinder le frigo. Maman l'a su, elle a voulu me péter les chicots. Puis j'ai fait le con, la poisse a fait sonner mon bigot. Le jour où le succès m'appelle Gigo. En fait, c'est HP de la MZ enchantée. Je suis hors la loi qui s'est mis à chanter. Combien de fois j'ai vu le daron tomber? Et combien de fois pour des kilos on a dû marcher en baie? Le temps passe trop vite. Faut pas que je stagne, je vais pas terminer comme saison, c'est à quoi rater l'heure. Gros, j'ai le mental en acier. Aucun problème sur ces thèmes fera sauter dans le vide. Péter le jackpot. Mettre toute la mif à The Les Barre loin, me donnerait grave la gueule. Faut que je ou du hall. Maman n'a pas fait 6000 bombes pour son bébé fini son toll. Hein. Je veux faire des sous, mon bar et Jesse. Oh ouais. Avec les miens, loin des soucis. Oh ouais. Je veux voir ma mère et son sourire. Oh ouais. Faut qu'on soit bien. Ouais. Je veux faire des sous, mon bar et Jesse. Oh ouais. Avec les miens, loin des soucis. Oh ouais. Je veux voir ma mère et son sourire. Oh ouais. Faut qu'on soit bien. Yeah. Love you. On se l'était dit, mais t'as mis trop de mes frères dans la folie. Dans la folie. T'as fait pleurer maman, m'a fait admirer des alcooliques. Des alcooliques. J'te déclare ma flamme, t'es qu'une pute comme mon ex, et encore je suis poli. Je suis poli. Oui, merci, je veux sortir de la jungle, tout en étant fier d'être un gorille. On s'est vu et les délires se font tellement rares dans nos halls. Bang, enfoiré, ton pote il est mort, mais t'as pas les Dragon Ball. On t'offre les soins à l'hôpital, on promo parce que t'es impoli. Impoli. Même si je quitte la street, fuck la police. Je veux faire des sous, mon bar et Jesse. Oh ouais. Avec les miens, loin des soucis. Oh ouais. Je veux voir ma mère et son sourire. Oh ouais. Faut qu'on soit bien. Ouais. Je veux faire des sous, mon bar et Jesse. Oh ouais. Avec les miens, loin des soucis. Oh ouais. Je veux voir ma mère et son sourire. Oh ouais. Faut qu'on soit bien. Je suis un fils de pauvre, un enfant à problème. Qui aimerait voir sa maman le sourire aux lèvres. Moi qui toujours trouvé le moyen de la mettre en colère. Des tribunaux, convocation du collège. Des barrettes dans mes jeans, aux plaquettes sous mon lit. Elle m'a vu rentrer en soi à la maison. Car dans la ville, son fils chéri s'est fait beaucoup d'ennemis. Je bosse pour qu'un jour elle dise adieu à ses collègues. Si ça marche pas, ben j'irai braquer Colette. Je veux faire des sous, mon bar et Jesse. Oh ouais. Avec les miens, loin des soucis. Oh ouais. Je veux voir ma mère et son sourire. Oh ouais. Faut qu'on soit bien. Ouais. Je veux faire des sous, mon bar et Jesse. Oh ouais. Avec les miens, loin des soucis. Oh ouais. Je veux voir ma mère et son sourire. Oh ouais. Faut qu'on soit bien. Ouais.